franceinter.fr. Ici Paris, Radiodiffusion française présente La marche de l'histoire. Jean Lebrun. La séance est ouverte. Les grands moments du Palais Bourbon, comme si vous y étiez, mais depuis le théâtre du Vieux Colombier, où nous accueille la Comédie Française. L'idée est de reconstituer des séances importantes de la vie parlementaire avec, dans le rôle des députés, des comédiens du français. Aujourd'hui, nous sommes sous le Second Empire. C'est une époque malheureuse pour les libertés publiques. L'Assemblée nationale n'est plus que le corps législatif. Le Palais Bourbon, dit Montalembert, n'est plus qu'une cave sans jour et sans air. La tribune a été supprimée. Cette tribune, dont Victor Hugo, dorénavant en exil, disait qu'elle était l'enclume où se forgeaient les idées nouvelles. Les parlementaires sont réduits à la portion congrue et ils parlent seulement de leur siège. Mais le temps a passé, nous sommes maintenant 13 ans après le début du Second Empire, en 1865, à un moment où le régime commence à basculer. Les électeurs se dégagent du système carcan de la candidature officielle. Ainsi, ils ont élu à Paris Ernest Picard, que nous entendrons dans un instant par la voix de Serge Pagdassarian et que la partie libérale et républicaine, d'ailleurs, de l'Assemblée ici réunie peut déjà applaudir. En 1865, pour la partie gauche du corps législatif qui reprend du poil de la bête, on vient de l'entendre, la cible idéale, c'est le baron Haussmann, que peut défendre d'ailleurs la partie droite du corps législatif. Cela fait 12 ans qu'il bouleverse Paris, qu'il trace des perspectives en ligne droite, des parcs en ligne courbe, et pour financer son premier, son deuxième, son troisième réseau de rues et de boulevards, au Vieux Colombier, on est dans un quartier en partie haussmannien, il multiplie les emprunts et du coup la dette de Paris s'envole. De plus en plus autoritaire, Haussmann est aussi de plus en plus impopulaire. Ainsi, juste avant notre débat, sa fille donne naissance à un bébé. Et on dit que ce bébé est le fruit des œuvres de l'empereur. D'ailleurs, mademoiselle Haussmann devient aussitôt vicomtesse. Et dans la rue, on chante « Pour faire une maison à sa fille, Haussmann rase toutes les nôtres ». Alors l'homme des emprunts, l'homme des expropriations, ça va évidemment être l'ennemi parfait des classes moyennes de plus en plus représentées au corps législatif, présidé par Eugène Schneider, moi-même. La parole est à monsieur Ernest Picard, député de la Seine. Bravo. Je viens vous demander la permission de vous entretenir quelques instants de la ville de Paris. Parlez. Où je retrouve monsieur le préfet de la Seine, plus persévérant que jamais. Il est certain que monsieur le préfet de la Seine disparaît devant l'intérêt général qui s'attache à son système. Son nom est devenu un verbe. Sa politique est devenue un drapeau sous lequel il voudrait vous enrôler tous. Et il commence, pour vous séduire, par glorifier lui-même son administration et ses finances. Au point de vue financier, l'honorable administrateur de la Seine soutient que son système mène à des finances dont la prospérité doit faire pâlir celle des finances de l'État. Il est certain, connaissant l'avenir sans doute, de posséder pendant 10 ans des excédents de recettes qui lui assureront une somme de 355 millions. Menteur. Menteur, oui. Et certes, quand on songe que la ville de Paris obtient de pareils résultats, si elle a un secret pour les obtenir, nous devrions lui demander de le livrer bien vite aux représentants du gouvernement. Mais hélas, hélas, ce secret et ses résultats ne sont peut-être qu'une chimère. Car après avoir commencé un tel éloge, l'honorable rapporteur du budget ajoute que, pour bien faire, il faudrait augmenter les capitaux disponibles et conclut par un emprunt. Oh, rien n'est plus simple. On veut exproprier, car on exproprie toujours. On n'a pas assez de capitaux disponibles, mais avec des spéculateurs, on peut s'entendre. On trouve des spéculateurs qui veulent bien faire des avances. Seulement, lorsque les spéculateurs font des avances, ils ont toujours un caissier qui est le public. Ce n'est pas, comme dit monsieur le préfet de la Seine, que je ne reconnais pas pour être mon maître comme jurisconsulte, un simple transport de créances. C'est un emprunt très dangereux. Mais oui. N'est-ce pas un emprunt? Mais si ce n'est pas un emprunt, ce sera de l'argent emprunté. Et emprunté, contrairement aux règles de la bonne administration. Quant au côté économique, est-il bien vrai que monsieur le préfet de la Seine, en oubliant un peu les règles de la bonne comptabilité, en chargeant un peu l'avenir et en faisant tous les boulevards qu'il a fait ouvrir, ait rendu à la fortune publique un si considérable service? Eh oui. Un publiciste dont vous avez tous pu apprécier la rigueur, groupant des calculs et des chiffres, lui a dit. Vous avez employé, en travaux presque stériles, un capital énorme, qu'on ne peut pas représenter à moins de 12 milliards. La ville s'est émue. Elle a produit ces chiffres et elle a dit, mais vous vous trompez fort. J'ai dépensé beaucoup, c'est vrai. Mais qu'est-ce que j'ai produit ? Une augmentation de revenus pour la ville de Paris de 33 millions environ. Ces 33 millions, en établissant le rapport de l'augmentation de valeur de l'impôt foncier, donnent une somme de 1 998 000 francs. La ville nous fait ainsi très bien comprendre que tout ce mouvement auquel nous avons assisté, les uns émerveillés, les autres un peu inquiet, se résume ainsi. C'est un chiffre bien modeste pour un si grand effort que celui de 1 998 000 francs, ajouté au principal impôt foncier. Donc, messieurs, au point de vue économique, quand on transforme une ville, quand on fait tant de maisons qui sont monumentales et qui se ressemblent toutes, quand on aime mieux des boulevards sans maisons que des maisons sans boulevard. Des boulevards tout de travers. Oui. On est exposé à attendre longtemps le résultat et le produit de ces efforts. Et cependant, ce qui est plus triste dans tout cela, c'est qu'il est difficile de prévoir que cet état des choses puisse avoir un terme. Il faut exproprier encore. Il faut chasser de leur ancien quartier les locataires tranquilles et les forcer à venir tout effaroucher prendre les immeubles nouveaux qui leur sont offerts. Mais offerts à quel prix? À très haut prix. Oui. Ben, qu'on explique autrement, si on peut, l'expropriation continue à laquelle nous sommes soumis. Mais arrêtez. Messieurs, j'ai le droit de parler et d'appeler toute votre attention sur les résultats d'un système qui préfère les monuments aux établissements sérieux et utiles. Mais non, mais foutaise. Laissez-le parler. Pourrais-je, messieurs, vous dire quelques mots des théories politiques du préfet de la Seine? Je le ferai avec réserve. À cet instant, où Picard, jusque-là interprète de la boutique, va passer à l'argumentation démocratique et défendre le principe de l'élection du maire de Paris à l'égal des autres maires de France. C'est cela aussi qui fait question dans ce débat. d'avril 1865, il est peut-être utile de rappeler le point de vue du baron Haussmann, qui lui défend mordicus le statut exceptionnel de la capitale. D'ailleurs, il est lui-même un cas exceptionnel. Préfet de la Seine, il siège au Conseil des ministres, mais il n'a pas le rang de ministre malgré sa morgue. L'aurait-il qu'il ne pourrait d'ailleurs pas parler devant le corps législatif. C'est seulement le ministre d'État Rouher qui peut y représenter le gouvernement. En vertu des pouvoirs qui sont conférés aujourd'hui à la marge de l'histoire, nous le ferons cependant surgir un instant sur la scène du Vieux Colombier. L'organisation municipale de Paris ne peut être établie sur l'élection et le suffrage universel, comme celle des autres communes de l'Empire. Ici, l'exception est une nécessité. Elle constitue même la règle. En effet, messieurs, est-ce bien à proprement parler une commune que cette immense capitale? Quel lien municipal réunit les 2 millions d'habitants qui s'y pressent? Peut-on observer entre eux des affinités d'origine? La plupart appartiennent à d'autres départements, beaucoup à des pays étrangers, où ils ont conservé leur parenté, leurs plus chers intérêts et souvent la meilleure part de leur fortune. Paris est pour eux un grand marché de consommation, un immense chantier de travail, une arène d'ambition ou seulement un rendez-vous de plaisir. Ce n'est pas leur pays. S'il en est beaucoup qui arrivent par le travail, l'ordre et l'économie à se faire une situation honorable dans la ville, si plusieurs même s'élèvent jusqu'au premier rang de l'industrie, d'autres, en trop grand nombre, ballottés incessamment d'atelier en atelier, de garni en garni, ayant pour tout foyer les lieux publics, pour toute parenté le bureau de bienfaisance, sont de véritables nomades au sein de la société parisienne. Absolument, absolument dépourvus du sentiment municipal. Je ne parle pas du grand nombre de fonctionnaires arrivés par avancement au centre de l'administration publique, ni des hommes d'intelligence que leur talent, leur génie ou leurs illusions amènent dans l'immense ville pour y conquérir la renommée ou la fortune. Ceux-là sont pour la cité parisienne, quand elle peut les retenir, de précieuses acquisitions. Mais je ne saurais oublier cette masse toujours renouvelée, de personnes déclassées, de gens à bout de ressources, d'inventeurs de combinaisons plus ou moins chimériques ou dégagées de scrupules. Au milieu de cet océan, il y a une minorité de Parisiens véritables qui formeraient, si l'on pouvait les discerner et les saisir, l'élément constitutif d'une commune. Mais isolés les uns des autres, changeant avec une extrême facilité de logement et de quartier, ils ne s'attachent guère à la mairie d'un arrondissement déterminé, au clocher d'une paroisse particulière. Et alors même que les Parisiens, proprement dit, seraient mis en mesure de se retrouver dans la ville, sauraient-ils toujours se tenir en dehors du vaste courant qui entraîne fatalement ici le suffrage universel vers le côté politique des questions? Paris, comme l'a dit l'honorable rapporteur de la loi du 5 mai 1855, est la centralisation même. Comment donc livrerait-on la gestion d'affaires dans lequel l'État, la nation sont si étroitement engagés à un corps émané d'une élection locale avec des vues relativement étroites, égoïstes et ses chances de changement et de caprice? L'organisation indépendante de la municipalité de Paris, sous quelque forme qu'elle soit conçue, ne serait autre chose que la création d'un État dans l'État. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! La parole revient à monsieur Ernest Picard, député de la Seine. Raconte à ses conseillers qu'ils ne le contredisent pas assez. Ouais. Oh. Il se trompe. Et il ajoute qu'il n'y a pas à Paris de lien municipal. Et quoi? Pas de lien municipal à Paris. Et il siège à l'hôtel de ville. Et il voit les armes de la ville de Paris. Et il a pu apprendre son histoire aux sources même. Comment? Les souvenirs de ceux qui le précédèrent dans ce palais ne l'ont pas suffisamment instruit. C'est grâce à son lien municipal que Paris résistera au coup qu'on veut lui porter. Monsieur le préfet de la Seine dit qu'il y a eu des interrègnes dans le régime municipal. Oui, c'est vrai. En 1382, sous Charles VI, si je ne me trompe pas. Oui, et bien si je ne me trompe pas, après la sédition des Maillotins, il y a eu un préfet de la Seine. C'était un conseiller au Parlement. Monsieur de Folleville, qui, pour faire expier aux Parisiens leur sédition, dirigea les affaires de la ville de Paris. Monsieur le préfet de la Seine actuel est le successeur de Monsieur de Folleville. La parole peut être donnée à Monsieur Granier de Cassagnac, député du Gers. Merci bien. Il fut organisé un système spécial de listes électorales et de corps électoraux. C'était la première fois que le pouvoir central entrait dans les conseils, s'associait à leur action et en prenait la direction. Voilà le principe de notre système administratif moderne. Système qui a établi ce qu'on appelle la centralisation. Cette centralisation consiste à avoir placé à la tête des conseils qui délibèrent des représentants du gouvernement qui dirigent. Chaque département eut son préfet, chaque arrondissement eut son sous-préfet, chaque commune eut son maire. Quelle leçon ! Je n'ajoute rien pour vous faire apprécier ce qu'il y a de simple, de sensé, de libéral à la fois et d'énergique dans cette organisation. Merci. C'est ici que j'arrive à la partie la plus intime de mon sujet, à ce qui touche le conseil municipal de Paris et le département de la Seine. La dérogation fut énorme. Le département de la Seine eut deux préfets, le préfet proprement dit et le préfet de police. En outre, dans l'organisation qui fut donnée à Paris, le conseil général fit les fonctions du conseil municipal. En ce qui touche l'organisation municipale, il y eut aussi une dérogation aux principes généraux. Par une exception qui constitue la spécialité de son régime, la ville de Paris fut divisée en arrondissements. Et ces arrondissements, au lieu d'avoir des sous-préfets, eurent des maires. Arriva la révolution de 1830 et, deux ans plus tard, fut votée une loi sur l'organisation des conseils généraux des départements et des conseils d'arrondissement. L'article 57 de cette loi porte... La loi n'est pas applicable au département de la Seine. Arrive enfin la révolution de février qui, je l'espère, sera la dernière. Oh non, Et pourquoi ? Un décret du 2 mars 1848 prononça la dissolution du conseil municipal de la Seine. Par quoi fut-il remplacé ? Par un maire, plein d'honneur et de loyauté, mais enfin par un maire, formulant en sa personne la dictature. Le 14 mars, un autre décret prononça la dissolution du Conseil général de la Seine. Par qui fut-il remplacé ? Par personne. Quelle est la raison qui a ainsi dirigé tous ces régimes si différents entre eux et leur a inspiré la même pensée. Ce qui a fait la spécialité nécessaire du régime de Paris, c'est la spécialité de sa situation. Paris n'est pas seulement la plus grande ville de la France. Paris est le dépôt et la réunion de tous les grands services publics, de tous les intérêts les plus élevés du pays. Paris réunit dans son sein la demeure du souverain, le siège des grands corps de l'État, les ministères, les postes, les télégraphes, la banque, l'institut. En un mot, tout ce qui constitue, tout ce qui résume la force, la vie et la pensée du pays. Tous les gouvernements ont pensé que la ville dans laquelle ses intérêts si considérables étaient résumés ne pouvait pas être confiée à sa propre administration, quelle que fût la loyauté, l'intelligence et la fidélité de ses habitants. Ils ont pensé que l'administration d'une ville où se trouvaient de tels intérêts devait être placée sous la direction, le contrôle et la responsabilité de l'État. En retour de cette tutelle nécessaire que la ville de Paris est obligée de subir et qu'elle subit depuis le commencement de ce siècle, quel est son droit ? Son droit est d'avoir une administration forte, intelligente et loyale. A-t-elle en effet cette administration ? Non. Je ne crois pas qu'un tel sujet puisse vous occuper ici utilement, mais enfin, si une administration peut être jugée par ses finances, quoi qu'en ait pu dire l'honorable monsieur Picard, la ville de Paris est la mieux administrée au monde. Quant à l'homme éminent qui est à la tête d'une pareille administration et dont on a dit que le nom était devenu un verbe, cette parole a du vrai. La signification de ce nom, c'est faire beaucoup, faire avec énergie et faire bien. La parole est à monsieur Adolphe Guérou, député de la Seine. Bravo ! Le régime spécial de la ville de Paris ne peut pas être un régime dans lequel il n'y ait aucun contrôle sérieux. Mais oui ! Il faut choisir entre l'une et l'autre hypothèse, où la ville de Paris doit nommer des représentants qui étudient et votent son budget, ou si les intérêts de Paris sont les intérêts de la France, que les représentants de la France étudient et votent le budget de Paris. En dehors de cela, il n'y a qu'inconséquence et fantaisie. Messieurs, la parole est à monsieur Eugène Rouher, ministre d'État. Lorsque dans le centre d'une commune se trouvent tous les intérêts et de l'État et du gouvernement et du pays, il est naturel que l'intérêt municipal se subordonne à cette action supérieure et ne soit pas exposé à un moment donné à la contrarier ou à la gêner dans son exercice. L'honorable monsieur Picard a résolu un difficile problème dans le discours qu'il a fait entendre. Il a déguisé l'inanité de ses critiques sous les traits brillants de son esprit. Je demande la parole. Monsieur le ministre, vous parlez de 33 millions, de 1 988 000 francs ajoutés à la contribution indirecte. J'ouvre les yeux, je me promène dans ce Paris, je l'ai vu triste, insalubre, sans lumière. Je vois l'air, la vie, la lumière circuler partout. Je vois les splendeurs se manifester de toutes parts. je vois que en même temps qu'on ouvre les quartiers inférieurs, qu'on fait ces deux grandes artères de la rue de Rivoli et du boulevard de Sébastopol, rive droite et rive gauche, on a soin d'appeler les populations ouvrières dans la circonférence où elles peuvent trouver des logements moins chers et un air plus abondant et plus salutaire. Permettez-moi une dernière réflexion. Je ne crois pas qu'il soit convenable, dans une enceinte publique, devant vous, de prodiguer son esprit aux dépens d'un fonctionnaire éminent et de se livrer à des critiques, d'employer des expressions dont la malignité publique cherche volontiers à s'emparer. Il faut savoir nous respecter les uns les autres. Vous n'avez pas le droit de faire la leçon à l'opposition. Monsieur Rouer, monsieur le ministre. Monsieur Pelletan me fait l'honneur de me dire que nous n'avons pas le droit de lui faire la leçon, qu'il me permette de lui répondre, qu'il passe son temps à nous la faire. C'est notre droit à nous. C'est notre droit. Oui, l'honorable ministre d'État peut juger en dehors d'ici, avec une entière liberté, notre manière de discuter à cette tribune. Je ne reconnais qu'un juge. C'est le président à la tête de cette assemblée. Bravo! Le gouvernement déclare résolument qu'il verra avec bonheur les maires pris dans le sein des conseils municipaux. Il ne réserve que les cas exceptionnels. C'est sous une forme adoucie et voilée cet éternel système que je reconnais partout, sans me tromper, le pouvoir discrétionnaire. Allons donc. Oui, allons donc. Le voilà. Permettez, si les cas exceptionnels existent, s'ils peuvent être appréciés, je serai presque rassuré. Mais si je n'ai pas devant moi cette garantie, je ne puis applaudir aux déclarations du gouvernement qui me laisse, moi et les miens, dans les cas exceptionnels. Nous serons toujours les cas exceptionnels. Vous, messieurs, vous le serez peut-être demain. Bravo ! En confidence, on peut dire que le cas exceptionnel de Paris a duré longtemps, bien au-delà du départ d'Haussmann, qui a été congédié début 70, bien au-delà de la défaite, de la fin du Second Empire et de l'établissement de la République. Il faudra attendre Valéry Giscard d'Estaing pour voir le maire de Paris élu au suffrage universel. Ce sera Jacques Chirac qui tirera les marrons du feu. Et aujourd'hui demeure la question de ses pouvoirs de police au maire de Paris et surtout celle de son poids politique dans la future métropole. Si celle-ci est constituée de la capitale et de la seule petite couronne, ce poids sera considérable. C'est du coup celui de la région Île-de-France qui sera comme rejeté à la périphérie. Du côté du français, Michel Favori était Rouer, le vice-empereur, le ministre délégué auprès du corps législatif. Serge Bagdassarian était Ernest Picard, Félicien Jutner, Granier de Cassagnac, député bonapartiste, et Thierry Ancis, le Deus ex machina, le baron Haussmann. Et dans la salle, Alexis Chevalier, Grégoire Roqueplot, l'établissement des textes, Isor Pisani-Ferry, l'établissement du son, Christophe Michoud, Patrick Muller, Gilles Manet et à la réalisation, Stéphane Ronxin.